radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Pile est bien 14h02, bienvenue tous à vous toutes. Voici donc eh bien, l'émission Music Dance comme tous les mardis. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis un début de semaine. Voilà donc, au cours de l'émission, mais il y aura quelques morceaux différents avec des nouveautés du country, des chansons qu'on connaît tous aussi, avec aussi du country, comme je vous l'ai dit à l'instant, avec des chansons d'autres pays comme le Portugal, le Maroc et puis d'autres chansons différentes. Oui, c'est ça, les radios qui se baladent dans tous les pays. Donc voilà, on va débuter l'émission avec France Gall. Après, nous coûtera tout simplement les frangines. Souris-moi et dis-moi, est-ce que tu rêves de moi? Moi

vous laisse avec trois titres différentes. Un petit bonjour à Lily Harmony. Voici donc eh bien Bob Marley. Et puis juste après, ce sera Garou. My fear is my own. c'est Lily Harmony sur Radio Arc-en-Ciel. soleil. Je le refais à l'endroit, à l'envers. T'avais pas le droit de t'en aller loin de moi, de me laisser seul dans cet univers. J'ai fait pour qu'on m'enlève ma vie, mon amour et mes rêves. Je te rejoindrai, mais dans quel contrée? Demande au soleil, demande au soleil et aux étoiles. Oh, si je t'aimais, demande à la. Avec le titre Andy, et puis celui de Jean-Baptiste Guédan. Yeah. l'écoulement tranquille du temps. Elle me prend pour un ours, et quand elle vient dans ma tanière, elle dit qu'elle est une source. Alors on mélange nos lumières, et c'est notre unique prière. Son Dieu, c'est je sais pas qui, elle dit. Elle l'a trouvé, elle sait pas où, elle dit. D'ailleurs, elle s'en fout. C'est un Dieu sans problème, c'est un Dieu qui nous aime. Elle dit, son Dieu, c'est je sais pas qui. Et il habite, on sait pas où. Et puisqu'il n'existe pas, un Dieu qui fout la paix aux gens, qui fout la paix aux gens. Son Dieu n'est pas vengeur, et personne n'en a peur. Il donne des ailes aux amants, et je suis son fidèle incroyant. Pour te voler ton dernier cri. Sur Radio Arc-en-Ciel. Je ne serai jamais comme vous voulez, autant que j'assume ma propre personnalité. Je vais me libérer. Mes ailes vont pouvoir se déployer. Tous mes max vont tomber. Je vais être moi-même avec qui est ma vie est transformée. Faire un petit tour du côté du Maroc avec un petit bonjour amicalement à Brice, alias Mamie Finlande, l'humoristique. Voilà donc, voici donc le Maroc. Thank you. الحمام جالي بالفوضى يا البنية صغيرة Laissez-moi partir. mais je ne sais pas, même si je pars, où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Il est trop tard, je fais des 100 pas, l'ai-je donc mérité? Où est-ce que j'irai? Et les dimanches, on ne faisait pas la manche, ça recommence. Médecin, pas besoin d'ordonnance, je suis pas malade. On s'ambiance, on fait rien de mal, et me faire mal. Et laissez-moi partir. Et laissez-moi partir. Et laissez-moi partir. Et laissez-moi partir. Oh, Grégory Le Marchand, mais juste avant François Feldman. C'est toujours toi ma divine, toi qui manie tout. Et donc le titre s'appelle Câline, moi encore. Un serpent debout, tu fais même rougir le soleil, et les dieux deviennent fous quand tu défies le ciel. Ça reste entre nous comme un jeu, comme un accord. Câline, câline-moi encore. Féline sous mon corps. Câline, câline-moi encore. La nuit pour décor. Câline, câline-moi encore. Toujours et plus fort. Câline, câline-moi encore. La la la la la la la. L'effet que tu me fais quand tu te défais. Je savoure tes maléfices, un doux sacrifice. Mais ce sont nos secrets d'alcôve, de l'amour qui nous sauve. Mais si tu m'en sorcelles, je resterai fidèle. Comme un jeu, comme un accord. Câline, câline-moi encore. Féline sous mon corps. Câline, câline-moi encore. La nuit. Comme un jeu, comme un accord. Câline, câline-moi encore. Fais trottoirs de nos villes habillés en Noël. De quelques nuits d'hiver aux saveurs douces amères. Je t'écris de ces soirs de lumière, des yeux émerveillés de cette petite fille au pied d'un grand sapin sur la 5e avenue. Je t'écris d'un départ d'une valise oubliée. Je t'écris d'un lac blanc où ce couple patine. Je t'écris d'un désert où l'épave d'un bateau se souvient de la mer. Je t'écris d'une terre où des maisons s'écroulent. Les amants s'éveillent au son de vieux clochers. Il neigera peut-être encore cette année. Je t'écris de la mer au large de Gibraltar, le regard vers Tanger. Je t'écris de l'Afrique où l'on meurt par milliers. Des quatre coins. T'écris d'un baiser de ce banc de Paris où deux amants s'enlacent dans leur éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris d'un café, de l'aile d'un avion où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Je t'écris du plumier d'un vieillard solitaire à la chambre oubliée. Je t'écris de la part de ces dieux impuissants au nom desquels on tue. Je t'écris de la main de ces hommes de paix qui n'ont pas renoncé. Je t'écris de la Seine, la tour Eiffel hybride dans des reflets passés. Je t'écris du souvenir d'un baiser par milliers. Des quatre coins de la terre, je ferai le tour du monde un jour très ordinaire. Je t'écris de ce rêve de t'avoir tant. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Mon cœur, parle-moi. Je n'ai pas voulu t'écouter. Tu étais tellement meurtri que tu pesais sur moi. Mon cœur, réponds-moi. Je t'ai un peu laissé tomber. Je voulais pas te regarder quand tu pleurais tout bas. Cette vie qui défile, serre-moi fort. Lorsque la nuit s'en va, c'est peut-être inutile, mais serre-moi contre toi. Serre-moi dans tes bras, pas comme au cinéma,

musique, je vous ai mis côté de l'Espagne avec Janet. Juste après, on écoutera Renaud. For each moment of tears, I still have my souvenirs cherished in a pocket full of dreams. I could hold, I could feel, kept pretending they were real. You're a lot of love, you're a lot of love, you're a lot of love, you're a lot of love. bien Lolita Renaud. Où vas-tu, garçon ou fille, dans ce monde-là? Dans cette grande pyramide où les plus nombreux n'ont pas d'autre choix que cette vie de misère et d'effroi. Les damnés sont tout en bas, Lolito, Lolita. Les damnés sont tout en bas, deux humains sur trois. Sans abri, sans pain, sans joie, la pyramide les broie. Depuis 10 000 ans, je crois, Lolita. Puis vient le prolétariat, Lolito, Lolita. Des millions de petits bras, une armée de forçats. Trahis par les syndicats, méprisés par les bourgeois. Et qui marchent toujours au pas. Plus haut viennent les soldats, Lolito, Lolita. Plus haut viennent les soldats, ils tireront sur toi. Pour protéger l'État, la propriété, la voix. Ils piétineront tes droits, Lolita. Moins nombreux malgré leur poids, Lolito, Lolita. Viennent curés et prélats, ils prieront pour toi. Ils te diront ferme-la, travaille, consomme et tais-toi. Et le ciel t'appartiendra, Lolita. Tout en haut il y a les rois, Lolito, Lolita. Tout en haut il y a les rois qui règnent sur toi. Ils ont décidé des lois qui font que tu resteras toujours tout en bas. Leur putain, c'est les médias. Renverse la pyramide, Lolito, Lolita. Renverse la pyramide, mets la tête en bas. Mais tu ne seras pas plus libre quand le peuple règnera. Il y aura toujours des bastilles à faire tomber, Lolita. Les hommes entre eux sont bien pires que les rats. Ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça, l'histoire. Toi, t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandales. Des cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le bagage de l'ambiouet.

nosso amor já muito tarde. E as voltas que na vida de repente acabam, os amores que são para sempre. E hoje, quem sabe, chegue tarde para o jantar, só para compensar. C'était mieux que l'été. Il faisait chaud. On avait tout le temps pour nous. Et l'océan.

c'est l'eau d'une rivière. Je serai gravé dans la pierre. Je serai l'heure et le moment. Je serai l'âme que tu attends. Je serai tout pour toi, je serai loup, je serai roi, je serai tout pour toi, je serai de tous les combats. Si l'amour nous abandonne, je serai bien plus fort que ça. Pour tout te dire, je serai là, je serai toujours là. Côté du Maroc et puis juste après Kenji Girac. Toi le soleil de l'été, tu viens briller sur ma page. Mais avant on écoutera tout simplement Kenji. Courage, tout ça pour me protéger. Juste gagner notre pain. Moi sur les bancs de l'école. Tu sais, ce n'est pas très drôle. Je t'attends la nuit, le jour. J'ai froid quand j'ai peur. Papa, je t'attends quand t'es pas là. Je sais pour moi ton amour. de mon enfance. Tu viens chanter la raison. Tu es un bout de bonheur, loti au fond de mon cœur. Why it's man?

But freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom. Sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour redonner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà

aller. À toutes les étés par chez nous, c'est rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Des chansons de Julie pis des frères du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, sur le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que tu chantes une petite tonne country. Country pis du rockabilly. Tout le monde les pieds pendants au bout du quai. La pleine lune qui brille, le party est pogné. À toutes les étés par chez nous, c'est un rendez-vous. Tous avec nos guitares chanter comme des fous. Des chansons de Julie pis des frères du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous sur le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que je chante une petite tonne country. Denis Cormier, it's now or never, Honda, Elvis Presley. À toutes les étés par chez nous, c'était rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Les chansons de Julie pis les frères du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, c'est tout du gay. À toutes les étés par chez nous, c'était rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Chanson de Julie pis des frères du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, chez le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que tu chantes une petite tonne country. C'est comme ça que ça se passe chez nous, chez le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que tu chantes une petite tonne country. C'est sûr qu'il faut que tu chantes une petite tonne country. Hey! Je t'aime et ça ne te retiendra pas. J'aurais beau pleurer ma peine, si tu veux partir, tu partiras. Cette chanson là qu'on va se guider, donc on va se retrouver prochainement et puis donc on se retrouve ainsi vendredi entre 14h et 17h avec l'émission Souvenir. Donc voilà, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Supplier, m'agenouiller, tu pourras bien vivre sans moi. Moi qui ai tout donné et tout sacrifié par simple et tendre amour. Toi. Alors vivons le jour, vivons le jour présent. De faire les choses comme avant. Où est-ce qu'on s'est perdu? C'était en sac où tu mens. Je ne sais plus où j'en suis. Je reconnais plus le garçon qui dans le passé m'attend plus. Celui que j'adore tant. Alors vivons le jour.